bien, ça va bien. Tony, on va parler de la, évidemment, avant de parler des matchs de les matchs de championnat de la, des conférences, il y a un documentaire qui est sorti sur, sur Netflix sur la carrière d'Aaron Hernandez. Les gens qui ne savent pas c'est qui Aaron Hernandez, ben, c'est un allié rapproché qui jouait au début des années 2000 avec les Patriots de l'Angleterre, la même année que Rob Gronkowski. Et qu'est-ce qui est arrivé dans le fait, au fait, c'est que dans le cas d'Aaron Hernandez, a joué avec les Pats, par la suite a été reconnu coupable de meurtre, a fait de la prison et s'est suicidé en prison malheureusement. Puis dans le documentaire, ben on raconte comment il est devenu un tueur. Donc j'aimerais que tu en parles davantage. Oui, ben c'est résumé rapidement, c'est le documentaire est sur Netflix. C'est 3 épisodes d'environ 1 heure, donc à peu près 3 heures, un peu plus. On regarde un peu sa carrière, comment ça a été quand il a été accusé de meurtre. Et le dernier épisode, ça va toucher vraiment là au niveau de son procès. Mais oui, il faut prendre puis en laisser. Il y a beaucoup de critiques, autant positives que négatives. Mais c'est sûr que le documentaire va surtout refléter la NFL, les Patriots n'aimeront pas ça. Non, c'est sûr. fait que parce que justement, son problème avec les commotions cérébrales. Tu sais, je veux dire, ça donne, tu sais, éventuellement, ça donne des troubles mentaux, tout ça. Donc, je pense que la NFL n'aimera pas ça. Les gens qui promouvent le sport de football n'aimeront pas ça. Mais la NFL, depuis ce temps-là, a quand même, sont conscients du problème, puis ils essaient de faire ça, de régler cette situation-là pour essayer d'aider des athlètes qui vivent ce problème-là. Mais de l'autre côté aussi, c'est faut faire attention parce que le documentaire, là, je vais pas trop en dire, là, mais c'est fait par Netflix, puis tous les commentaires, les témoignages, c'est vraiment les gens autour. Là. C'est pas des choses qu'on a entendues ou vues de Aaron Hernandez dans le passé. Donc c'est tout un recueillement de faits et d'histoires. Et en plus, vous ne verrez pas non plus sa famille parce que lui aussi, pendant son enfance, a eu quand même la difficulté avec ses parents. Donc il parle même d'abus même sexuels pas sa gardienne, c'était un gardien, c'était un masculin. Ouais. Donc tu vois, il y a des problèmes même au début dans son enfance. Donc faut faire attention de pas trop blâmer l'équipe ou la ligue pour les problèmes ou ce qui est en arrivé. Donc, c'est sûr que c'est très intéressant de voir ce documentaire-là. On voit là, c'est sûr que ça a été aussi le cas de meurtre. Ben, ça a rapport avec le gars, le chum à sa sœur, je pense, si je me souviens bien, là, une affaire comme ça. Fait que, c'est dommage parce que c'était un excellent joueur. Je pense qu'il a même participé à Pro Bowl, je pense. Ouais, puis l'arrivée Gronk a comme fait oublier aussi Hernandez, mais ça ressemblait beaucoup énormément. Ouais, c'est ça. Donc, le départ d'Hernandez Gronk a aidé Gronk dans sa carrière, mais il était quand même un athlète. Mais c'est des choses qui arrivent. Il faut faire attention, donc il y a des critiques autant positives que négatives, il faut le prendre, c'est à vous de le juger, c'est difficile à dire, parce que moi, je peux comprendre qu'à un moment donné, le sport, c'est sûr que peut-être la Ligue n'a pas... moi, je vais parler plus des commotions cérébrales, je le vis dans mon quotidien avec le sport amateur, là, donc tu sais, je veux dire, le football a vraiment connu une chute à cause de la peur des commotions cérébrales, mais c'est un gros débat parce qu'on peut dire qu'il y a bien d'autres sports, c'est encore plus dangereux. Tu sais, je veux dire, le sport qui a plus de blessures, c'est le cheerleading, la gymnastique. On parle beaucoup, tu sais, j'ai bien hâte de voir aussi le hockey, la Ligue nationale, parce qu'il y a beaucoup de commotions cérébrales. On commence à en entendre beaucoup d'histoires là-dessus. Pour des anciens joueurs de hockey professionnels. Le soccer, tu sais, je veux dire, oui, le 3/4 du temps, ils font semblant qu'ils se sont blessés, mais un coup de tête, tu sais, ça peut arriver. Donc, mais c'est un documentaire à voir, c'est vous à laisser juger. La blonde, la fiancée à Hernandez, parce qu'ils se sont comme fiancés l'année qu'il s'est suicidé là, en prison, là. Remercie les fans parce que suite à ça, Les fans, ceux qui ont vu le documentaire ont partagé beaucoup leurs émotions avec la fiancée, dans le sens que, tu sais, on dirait que c'était plus tendance à accuser les autres et c'était pas de sa faute, mais je veux dire, à un moment donné, c'est à vous de juger, là. Je veux pas faire la cour là-dessus, mais c'est à voir. OK. On va y aller maintenant avec les matchs de la fin de semaine. Écoute, les Titans du Tennessee, la semaine passée, ont complètement surpris la planète football en défaisant Oui. les Ravens de Baltimore. Écoute, mais à quelque part, c'est pas vraiment surprenant. Les Ravens étaient dus pour en perdre, hein? Oui, ben il avait gagné quoi une douzaine de suites Ouais. depuis ben justement depuis la défaite contre les Titans, c'était ça ou en tout cas bref Le il était 29, dû c'était le mais 29 septembre, leur ouais dernier c'est ça. match. Ouais. Donc, oui, tu es entièrement d'accord, il était dû pour perdre, mais puis c'est là qu'on va voir on va voir où ce que les Titans, tu sais, je veux dire, les Titans ont surpris les Pats, mais on savait que les Pats connaissaient quand même une saison en dents de scie, donc on savait pas jusqu'à quel point. Ils ont vraiment surpris les Ravens, mais les Ravens, c'est ça la différence. Là, tu as Lamar Jackson, puis tu as Patrick Mahomes. Mahomes, c'était l'ancien MVP de l'année passée. Jackson risque de l'être cette année. Mais Mahomes, la différence entre Mahomes et Jackson, c'est que Jackson, là, lui, OK, il court, mais il pense toujours à sa course à lui. Tandis que Mahomes, il va courir, mais lui, il va prioriser quand même la passe. Donc, puis, en tout cas, ils ont connu quand même un lent début. C'était surprenant, là, contre les Texans la semaine passée, mais en tout cas, ils se sont fait réveiller, puis ils ont démontré quel genre d'équipe sont capables les Chiefs. Puis, la beauté pour les Titans, puis les chances, parce que ils mettent quand même les Chiefs favoris de beaucoup, mais il faut faire attention parce que les Chiefs contre la course, là, est pas trop forte, là. Puis Derrick Henry, ben c'est là la game, là. Derrick Henry a eu 195 verges contre les Ravens, il a eu 182 verges contre les Pats, puis les Chiefs, ils ont été classés 26e dans la NFL contre la course, ils donnaient 128 verges par match. Donc, s'ils donnent autant de verges encore à Derrick Henry, Ben moi, je ce sera pense que pas. c'est la clé. C'est la clé dans ce match-là Ouais. pour c'est d'utiliser le cadran. Ce qui est pas arrivé avec les Houston la semaine passée, ils n'ont pas ralenti le jeu, Non, malheureusement. non, ben là, il y a Houston, là, j'ai réécouté, c'est drôle, je réécoutais notre entrevue la semaine passée, puis je disais comment j'étais déçu de. Ça a été vraiment du mauvais coaching, puis il m'a encore pas marqué des points, mais. Puis comme on dit, bon, est-ce que la défensive quand même des Chiefs s'est améliorée? On verra, mais la meilleure défensive, ça a été dit un peu partout cette semaine, la meilleure défensive des Chiefs, ça va être l'attaque. Dans le sens que. Patrick Mahomes, avec son attaque, il va falloir qu'il mette des points au tableau parce que s'ils ne réussissent pas à bloquer, freiner Derrick Henry, ça risque d'être serré. Mais le fait de jouer à Kansas City, il va faire froid pas mal devant une foule bruyante. Mais les Titans, faut faire attention, rendu aux quatre derniers, faut faire attention, tout est possible. Ryan Tannehill va peut-être sortir un gros match de sa part avec Henry. On verra bien, mais en tout cas, c'est tout à fait différent qu'est-ce que les Titans vont voir en fin de semaine comparé aux Texans de l'année passée. Donc, Moi, je vais te de dire toute une façon. affaire. Je vais favoriser les Chiefs parce que j'ai pas le choix de favoriser les Chiefs parce qu'à quelque part, je les ai mis au début au Super Bowl. Fait que j'ai pas le choix, mais Tout à fait. je serais pas du tout surpris de voir les Titans du Tennessee aller au Super Bowl. Cette équipe-là, c'est ma mission. Ben exactement, puis ils ont démontré, puis en tout cas, sont dans la dynamique de leur coach, tout va bien, ils ont du momentum, comme on a dit, puis en tout cas, quelqu'un qui veut gager, là, c'est 7,5 points, moi, c'est plus serré que ça, à moins vraiment qu'ils ont réussi à bloquer Derrick Henry, mais tu sais, je veux dire, c'est de la course au sol, donc si Henry réussit, ça veut dire que Patrick Mahomes, il va rester sa ligne des côtés, hein, puis le cadran va... Et c'est de là, à un moment donné, comme la semaine passée, j'ai dit par rapport à Andy Reid, tu sais, des fois, il y a de la misère dans sa gestion du temps en fin de match ou stratégique, donc quand ça va être serré, on va voir comment ça va aller, mais oui, moi aussi, j'étais avec toi, j'avais pris les Chiefs, Puis, il faut encourager notre Québécois aussi, notre docteur Duvernay-Tardif. Donc, ça va être un bon match. Je pense pas que ça va être aussi facile que les gens pensent. OK. Donc, les Chiefs, les deux. Mais moi, comme je te dis, je serais pas surpris de voir du tout. Je tomberais pas en bas de ma chaise de voir les Titans gagner. Je tomberais pas en bas de ma chaise autant que j'ai tombé la semaine passée. Exactement. On va y aller maintenant avec l'autre match. Green Bay contre San Francisco. J'ai hâte de voir quel genre d'équipe que les Packers vont donner. Du côté des 49ers, on très impressionnant la semaine passée. On peut jouer de toutes sortes de façons. Ah, tout à fait. Puis c'est drôle parce que on n'arrête pas de dire quel genre d'équipe qu'on va voir des Packers. Ils ont quand même gagné 13 games cette saison. Ouais. Fait que je pense que Aaron Rodgers, toute l'équipe aime ça, jouer les négligés. Mais comme tu dis, les 49ers sont vraiment impressionnants. Là. Je pense que c'est l'équipe des quatre la plus balancée. Ça joue quand même fort, ça joue bien au sol. C'est vraiment du hard pounding, comme on dit, des running backs. Donc, on va chercher les verges en traversant la ligne de mêlée. Donc Jimmy Garoppolo fait sa petite job. C'est pas des gros chiffres qui sortent, mais il fait moins d'erreurs, puis ses passes, les bonnes passes, il réussit quand il veut, quand ça marche. Donc, mais pour les Packers, l'affaire, c'est qu'une chance que la défensive pendant l'année a aidé Rodgers, parce que il n'y a pas de cible au niveau de son attaque aérienne. Il y a Davante Adams. Si lui, il connaît un gros match, ben, les Packers ont une chance. Mais à part de Davante Adams, on voit pas, il n'y a pas grand-chose. Et si les 49ers défendent très bien comme ils l'ont fait, donc ils vont pouvoir défendre contre la course et donner de la misère à Aaron Rodgers, ça risque d'être long pour les Packers. C'est drôle, les 49ers devraient gagner même avec qu'est-ce qu'ils ont démontré. C'est un des matchs que c'est sûr qu'on... C'est pas sûr, mais plus facile au niveau du gagnant. Donc on risque d'avoir un écart, mais encore là, on a tellement des doutes sur Green Bay, on les sous-estime. Ils peuvent sortir. On va voir comment que Matt LaFleur, comme première année coach, comme j'ai dit la semaine passée, faut pas donner toute la pression à Aaron Rodgers, parce que si on donne la pression à Aaron Rodgers pour la passe, tout ça, faut balancer avec le jeu au sol et en espérant que la défensive mêlée. Les 49ers sont très impressionnants, puis en tout cas, sont très bien dirigés. Ouais. C'est vraiment le fun de les voir aller, puis. Je pense que les 49ers devaient s'en sortir là, dans ce match-là. Donc, moi aussi, je vais y aller avec les 49ers contre les Chiefs de Kansas City. Donc, c'est quoi les cotes de ce match-là? C'est 7 à peu près pour 7? Les Niners, par 7 points. OK. Je suis à peu près donc, tu sais, c'est ça. Donc, j'ai trouvé Kansas City un peu plus élevé. Mais un touché par les 49ers, ça risque d'être le cas. Là. OK. Ben, Tony, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Il n'y a pas beaucoup d'actualité cette semaine, hein? Ils ont le nouveau coach des Browns, Stefanski. Je suis content que c'est pas Josh McDaniels, parce que je pense que McDaniels, c'est un petit peu peinturé dans le coin. Avec ce qu'il a fait avec les Colts d'Indianapolis, là, c'est pas mal. Je pense que c'est peinturé dans le coin. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, puis il y a bien des coachs aussi qui, quand ils sont en entrevue, ils savent, parce qu'ils n'ont pas de DG, les Browns. Hein. Fait que ça, avec des fois les coachs, ils aimeraient ça savoir, parce que les coachs qui arrivent avec pas de DG aussi, là, je veux pas, mais t'as raison pour McDaniel, je veux pas le défendre parce que les gens vont y penser plus qu'une fois là, quand ils vont interviewer McDaniels, mais pour venir au cas des Browns avec pas de directeur général, c'est difficile, c'est beaucoup de pression pour un coach parce que quand le DG va arriver par la suite, des fois il a tendance à avoir un coach dans sa tête. Donc, mais Stefanski, il a de l'air à bien fitter. Mais encore là, c'est le gros défi. C'est un autre nouveau coach. Celle-là, je le comprends pas encore. Là, j'aurais pris un coach d'expérience avec toutes ses personnalités individuelles. Forte des divas, comme je les appelle, là, mais je pense que tout le monde, les Browns, ont eu quand même un wake-up call là, cette année, là, parce que le talent est là, il faut juste le rendre dans un système et un jeu collectif meilleur. Là. OK. Ben, Tony, ça fait pas mal le tour, on se reparle vendredi prochain, même s'il n'y aura pas le match, ça va être le Pro Bowl, mais on va se parler, il va sûrement avoir des petites actualités, quitte à revenir sur les matchs de la fin de semaine. Exactement. Ben, bon week-end à tout le monde. Ça va être un bon dimanche, là. Tony Guzzo, site internet leblitznfl.com.